Coucou, tu veux voir ma bite? Bon, elle est vraiment toute petite, hein. Coucou, coucou, coucou, coucou, tu veux voir ma bite? Coucou, coucou, coucou, coucou, tu veux voir ma bite? Tu veux voir ma bite? Bon, elle est vraiment toute petite, tu hein. Tu veux voir ma bite? Je vous rassure. Coucou, coucou, coucou, tu veux voir ma bite? Bite, bite, bite, bite, bite. Bon, elle est vraiment toute petite, hein, je vous rassure. Coucou, tu veux voir ma bite? Coucou, tu veux voir ma bite? Toute petite, hein. Tu veux voir ma bite? Coucou, tu veux voir ma bite? Toute petite, hein. Tu veux voir ma bite? Coucou, tu veux voir ma bite? Toute petite, hein. Tu veux voir ma bite? Coucou, coucou, coucou, coucou, coucou, tu veux voir ma bite? Bon, elle est vraiment toute petite, hein. Coucou, tu veux voir ma bite? Bon, elle est vraiment toute petite, hein. Coucou, tu veux voir ma bite? Bon, elle est vraiment toute petite, hein. Vraiment toute petite, hein. Vraiment toute petite, hein. Tu veux voir ma bite? Ben, je vous rassure. Elle est vraiment toute petite, hein. Tu veux voir ma bite? Coucou. Elle est vraiment toute petite, hein. Tu veux voir ma bite? Ben, je vous rassure. Elle est vraiment toute petite, hein. Tu veux voir ma bite? Coucou, coucou. Elle est vraiment toute petite, hein. Je vous rassure. Dans mon monde à moi, y a que des poneys. Tu veux voir ma bite? Ben, elle est vraiment toute petite, hein. Je vous rassure. Dans mon monde à moi, y a que des poneys. Ils font des caca papillons. Des fois moi je vomis. Vomis. Vomis. Vomis. Vomis. Vomis. Vomis. Vomis. Vomis. Vomis. Vomis. Vomis. Coucou. Vomis. Coucou. Vomis. Coucou. Des fois moi je vomis. Vomis. Vomis. Vomis. Vomis. Vomis. Tu veux voir ma bite? Bah elle est vraiment toute petite, hein, je vous rassure. Tu veux voir ma bite? Coucou. C'est beau comme tout. Tu veux voir ma bite? Ben, je vous rassure. Elle est vraiment toute petite, hein, je vous rassure. Dans mon monde à moi, y a que des poneys. Tu veux voir ma bite?